Les affaires étant terminées, monsieur, madame et mademoiselle Tourneboule prirent congé de ces dames et montèrent en voiture. Monsieur de Rosbourg, ayant vanté la beauté des chevaux et l'élégance de la calèche, « Je vous les vends !» dit monsieur Tourneboule, qui avait le pied sur le marchepied de la voiture. « Je vous vends le tout, 4 000 francs. Je les ai payés 12 000 francs il y a un mois. »« C'est fait !» dit monsieur de Rosbourg. « J'achète. À demain !»« Quelle drôle d'original !» dit monsieur de Rosbourg à ses amis quand les Tourneboules furent partis. « Il est fou de vendre ainsi à perte. Les terres du château valent plus de 50 000 francs de revenus, et la forêt de Paul vaut plus de 100 000 francs. Quant à l'hôtel de Paris, il vaut 1,5 million, meublé comme il est. J'espère bien que nous y passerons l'hiver ensemble, chère et excellente amie, dit-il à madame de Fleurville en lui baisant la main. Je me reprocherais presque mon retour si je vous séparais d'avec ma femme et Marguerite d'avec vos filles. Madame de Fleurville, je l'ai promis et je ne m'en dédie pas, mon ami. C'est un grand bonheur pour moi que cette vie commune avec vous et les vôtres. Quand vous partirez, je partirai. Quand vous reviendrez, je reviendrai. Mais où sont les enfants? Comment ont-ils laissé mademoiselle Yolande toute seule? Monsieur de Rosbourg, je soupçonne qu'elle les a mis en fuite par ses grands airs et sa méchante langue. Les voici qui accourent. Nous allons savoir ce qui s'est passé. Les enfants furent bientôt arrivés. Madame de Fleurville demanda à ses filles pourquoi elles avaient commis l'impolitesse de quitter mademoiselle Tourneboule. Camille, maman, je suis restée la dernière avec elle, mais il n'y avait pas moyen d'y tenir. Moi aussi, je me suis sauvée avec Léon, quand elle m'a dit que vous étiez une folle. Madame de Fleurville, pauvre fille, je la plains d'être si mal élevée. Mais pourquoi les autres étaient-ils partis? Les enfants racontèrent alors les impertinences que s'était permises mademoiselle Yolande et les réponses qu'elle s'était attirées. « Je ne blâme qu'une chose, dit monsieur de Rosbourg en riant. C'est le tournebroche de Paul et de Marguerite. Ceci était, de goût, un peu sauvage, en effet. Paul, c'est vrai, mon père. Une autre fois, je tâcherai d'être plus civilisé. Les parents sont-ils aussi ridicules que leurs filles? Monsieur de Rosbourg, ma foi, je n'en sais rien. Ils sont terriblement communs, mais ils ne sont venus que pour faire des affaires. Le père Tourneboule m'a vendu, outre sa terre et son château de dinars, son hôtel tout meublé à Paris, et la forêt qui touche aux fermes du château, et que j'ai acheté pour toi. Es-tu content de mon marché? Paul, je suis content de tout ce que vous faites, mon père, et de tout ce qui ne m'éloigne pas de vous. Monsieur de Rosbourg riant. Bien, alors je continuerai à placer tes fonds. Paul, quels fonds, mon père? Comment ai-je des fonds? Monsieur de Rosbourg, tu as, outre la fortune de tes parents, 2 millions que M. Ficini a laissés à ton père, qui était son ami d'enfance. Paul, il était donc bien riche, ce M. Ficini. M. de Rosbourg, je crois bien qu'il était riche. Il a laissé encore 4 millions à son ancien et cher ami, M. de Réan, père de Sophie. Léon, Dieu, que Sophie est riche! Je voudrais bien être riche, moi. Jean, tu n'en serais pas plus heureux. N'avons-nous pas tout ce que nous pouvons désirer? Léon, c'est égal, c'est agréable d'être riche. Tout le monde vous salue et vous respecte. Paul, pour ça non. Est-ce que tu respectes les Tourneboules? Sont-ils plus heureux que nous? Marguerite, personne n'est heureux comme nous, je crois, depuis le retour de papa et de Paul. Madeleine, et nous qui ne sommes pas riches, ne sommes-nous pas très heureuses? Camille, et notre bonheur est si vrai! Personne ne peut nous l'ôter, il est au fond de nos cœurs, et c'est le bon Dieu qui nous le donne. Paul, c'est vrai, quand on a de quoi manger, de quoi s'habiller, se chauffer et vivre agréablement, de quoi donner à tous les pauvres des environs, à quoi sert le reste? On ne peut pas dîner plus d'une fois, monter sur plus d'un cheval, dans plus d'une voiture, brûler plus de bois que n'en peuvent tenir les cheminées. Ainsi, que faire du reste? Sinon le donner à ceux qui n'en ont pas assez. Monsieur de Rosbourg, tu as 1000 fois raison, mon garçon, et à nous deux, nous battrons le pays à 10 lieues à la ronde pour que tout le monde soit heureux autour de nous. Nous leur ferons voir ce que peut faire un bon, un vrai chrétien, des richesses que le bon Dieu lui a données. Les dames et les enfants rentrèrent chacun chez soi. Jacques et Marguerite allèrent dans leur cabane pour lire et causer. Paul et Léon allaient les suivre lorsque M. de Rosbourg, prêtant l'oreille, dit « Mais quel est ce bruit ? Il me semble entendre des gémissements mêlés d'éclats de rire. » Paul « Je les entends aussi. Viens, Léon, allons voir. » Léon, timidement « Je n'entends rien, moi. Tu te trompes, je crois. » Paul « Non, non, je ne me trompe pas. Dépêchons-nous, viens. » Tout bas, se penchant à l'oreille de Léon « Viens donc. Avec moi, il n'y a pas de danger. » Paul saisit la main de Léon et, tout en l'entraînant, il lui dit à mi-voix « Courage, courage donc. Montre-leur que tu n'as pas peur. Ne me quitte pas. Marche, hardiment. » Ils coururent vers le chemin d'où partait le bruit, pendant que M. de Rugès, surpris, répétait « Le voilà parti, mais pour tout de bon cette fois. Il court aussi vite que Paul. C'est qu'il n'a pas l'air d'avoir peur. Y venez-vous aussi, Rosbourg. Viens-tu, Trépy ?» M. de Rosbourg « Ne les suivons pas de trop près pour leur donner le mérite de secourir ceux qui appellent. S'ils ont besoin de renfort, Paul sait que je suis là, prêt à me rendre à son appel. Tiens, quel accent indigné à Paul. L'entendez-vous, belle voix de commandement? C'est dommage qu'il ne soit pas dans la marine ou dans l'armée. Ah, diable, l'affaire se gâte, j'entends des cris et des coups. Approchons, il est temps. » En hâtant le pas, M. de Rosbourg, suivi de ses amis, marcha, ou plutôt courut, vers le lieu du combat, car il était clair qu'on se battait. En arrivant, ils virent, étendu à terre, entièrement déshabillé, le pauvre idiot Relmo. Devant lui se tenaient Paul et Léon, animés par le combat qu'ils venaient de livrer et qui était loin d'être fini. Attaqués par une douzaine de grands garçons, tous deux distribuaient et recevaient force coups de poing et coups de pied. Paul en avait couché deux à terre. Il terrassait le troisième, donnait un coup de pied à un quatrième, un croc en jambe et un coup de genou au cinquième, pendant que Léon, moins habile que lui, mais non moins animé, en tenait deux par les cheveux et les cognait l'un contre l'autre, s'en faisant un rempart contre les cinq ou six restants, qui faisaient pleuvoir sur Paul et sur Léon une grêle de coups de poing. M. de Rosbourg s'élança sur le champ de bataille, saisit de chaque main un de ses grands garçons par les reins, les enleva en l'air et les lança par-dessus la haie. Il en fit autant de deux autres, ce que, voyant les derniers, ils cherchèrent à se sauver. Mais M. de Rosbourg les rattrapa facilement et leur administra, à chacun, une correction qui leur fit pousser des hurlements de douleur. « Allez maintenant, polisson, et recommencez, si vous l'osez !» Il les congédia de deux bons coups de pied. Pendant ce temps, Paul et Léon, aidés de M. de Rugès et de M. de Trépy, relevèrent le pauvre idiot, qui restait à genoux, tout tremblant et pleurant. Son corps était prodigieusement enflé et rouge. Son dos et ses reins étaient écorchés en plusieurs endroits. « Pauvre malheureux !» s'écria M. de Rosbourg. « Que lui ont-ils fait pour le mettre en cet état ? Quand nous sommes arrivés, mon père, nous avons trouvé ces misérables armés. » Les uns de grandes verges, les autres de poignées d'ortie, battant et frottant le pauvre idiot pendant que les deux plus grands le maintenaient à terre. Ils l'avaient attiré dans ce chemin isolé, l'avaient déshabillé et s'amusaient, comme je vous l'ai dit, à le fouetter et à le frotter d'ortie. C'est Léon qui, accouru le premier, indigné de ce spectacle, leur a ordonné de finir. Le pauvre idiot nous a expliqué tant bien que mal ce que je viens de vous dire. Je leur ai ordonné à mon tour de laisser ce pauvre garçon. « Ah ah ! » ont-ils répondu, « vous êtes deux, nous sommes douze, plus forts que vous. Laissez-nous nous amuser ou nous vous en ferons autant. » Et l'un d'eux allait recommencer lorsque je lui criais, « Arrête, drôle, pars à l'instant, ou je t'allonge un coup de pied qui te fera voler à 10 pieds en l'air. » Pour toute réponse, il donne un coup à ce pauvre idiot, retombé de peur. Je saute sur ce misérable en criant, « À moi, Léon, joue des pieds et des mains !» Il ne se le fait pas dire deux fois et tombe dessus comme un lion. J'en couche un à terre, puis un second. J'étais en train d'en travailler quelques autres quand vous nous êtes venus en aide. Sans vous, nous aurions eu du mal. Mais il n'en restait que 10. Nous en serions venus à bout, tout de même. N'est-ce pas, Léon ? Tu en as cogné quelques-uns et solidement. Tu as le poing et les pieds, bon. Ils te le diront bien. Léon, tout fier et presque étonné de son courage, ne répondit qu'en relevant la tête. M. de Rugès, s'approchant, lui prit les mains et les serra fortement. M. de Rosbourg en fit autant. À ce témoignage d'estime de son père et d'un homme qu'il considérait comme un homme supérieur, Léon rougit vivement et des larmes de bonheur vinrent mouiller ses yeux. « Il ne s'agit que de commencer, mon brave Léon, lui dit M. de Rosbourg. Tu vois, te voilà l'associé de Paul, le brave des braves. » Léon. « Oh, monsieur, ce serait trop d'honneur et de bonheur. Je suis assez récompensé par votre estime et par la satisfaction de mon père. » Paul. « Je te l'avais bien dit, mon ami, que tu avais tout autant de courage que moi. Tu me croiras une autre fois, n'est-ce pas, quand je te dirai du bien de toi-même. » Monsieur de Rugès. « Occupons-nous de ce pauvre garçon qui est là sans vêtements et dans un état à faire pitié. » Monsieur de Rosbourg. « Où demeure-t-il ? Est-ce loin d'ici ? » Léon. « Non, à 200 pas, dans le hameau voisin. » Monsieur de Rosbourg. « Où ont-ils mis tes habits, mon pauvre garçon ? » L'idiot. « Ils les ont jetés par-dessus la haie. » En un clin d'œil, Paul sauta par-dessus la haie et saisit les habits de l'idiot. « Tiens, reçois-les » dit-il à Léon en les lui lançant. « Monsieur de Rosbourg, avant de l'habiller, lavons-le dans la mare qui est ici auprès. L'eau fraîche calmera l'inflammation laissée par les orties et les coups de verge. Viens, mon pauvre garçon, appuie-toi sur mon bras. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. « Oh non, vous êtes bien bon, je vois bien, » répondit l'idiot en tremblant de tous ses membres. « Mais ça me fait mal de marcher. » M. de Rosbourg et M. de Rugès le prirent dans leurs bras et le portèrent dans la mare. La fraîcheur de l'eau le soulagea. « Ne me laissez pas, » disait-il. « Il reviendrait et il me battrait encore. Oh là là, qu'il cinglait fort. Oh, que ça fait mal. » M. de Rosbourg. « Courage, mon ami, courage, ça va se passer. Nous allons t'habiller maintenant et te ramener chez toi. » L'idiot. « Vous n'allez pas me laisser, pas vrai ? Vous ne me laisserez pas tout seul ?» Monsieur de Rosbourg. « Non, mon pauvre garçon, je te le promets. Passe ta chemise, là, ton pantalon maintenant, puis ta blouse, et c'est fini. Mets tes sabots et partons. Ça va-t-il mieux ?» L'idiot. « Pour ça, oui, ça fait du bien à la mare. » Monsieur de Trépy. Connais-tu les noms de ces mauvais drôles qui t'ont battu ? Pourrais-tu le dire ? L'idiot. Pour ça, oui. Le grand Michaud, puis Gimel, le roux, puis Daniel, le borgne, puis Friret, puis Canichon, puis les deux Richardet, puis le Camus, puis Frognolet, le bancal, et Frognolet, le louche, puis les deux garçons du père Berthaud. Monsieur de Trépy. Bien, ne les oublie pas. J'irai voir leurs parents et je leur ferai donner une correction solide devant moi pour être bien sûr qu'ils l'ont reçue. » L'idiot se mit à rire et à se frotter les mains. « Ah ah ah ! Ils vont en avoir aussi, les brigands, les scélérats. Faites-les battre rondement. Ah ah ah ! Que je suis donc content ! Ça fait du bien tout de même. Ah ah ah ! Faut les battre avec des orties. Ça leur fera bien plus mal. » « Pauvre garçon, » dit Monsieur de Rosbourg à Paul et à Léon, « il ne pense qu'à la vengeance. » Pas moyen de lui faire comprendre que le bon Dieu ordonne de rendre le bien pour le mal. Mais nous voici arrivés. Rugès et Trépy, chargez-vous de rendre l'idiot à ses parents. Je vais revenir avec nos braves et raconter leurs exploits à nos amis. Je serai heureux de parler de Léon comme il le mérite. Et serrant encore la main de l'heureux Léon, il se mit en route. Trouvant le salon vide, il monta chez sa femme, laissant Paul et Léon chercher leurs amis. Quand ils furent seuls, Léon sauta au cou de Paul. « Paul, mon ami, mon meilleur ami, tu m'as sauvé. Je ne suis plus Paul-Tron, je le sens. Avec toi d'abord, et seul plus tard, je n'aurai plus peur. Je le sens, oui, je le sens dans mon cœur, dans ma tête, dans tout mon corps. Je me sens plus fort, je me sens plus fier, je me sens homme. Merci, mille fois merci, mon ami. Tu m'as tout changé, Paul. » « Ce n'est pas moi, mon bon Léon, c'est toi-même, c'est ta volonté. C'est le bon Dieu qui a récompensé le courage avec lequel tu m'as avoué que tu croyais n'en pas avoir. Je t'ai seulement aidé à te mieux connaître. Voilà tout. » Léon, avec attendrissement. « Bon, généreuse et modeste, voilà ce que tu es. Toi, mon ami, mon seul ami. » Paul. « Allons chercher les autres, Léon. » Je suis impatient de leur raconter ce que tu as fait. » Et tous deux coururent aux cabanes, où ils trouvèrent en effet tous les enfants, chacun dans la sienne, et les attendant avec impatience. « Arrivez donc ! Arrivez donc !» leur crièrent-ils. « Nous vous attendons pour manger un plat de fraises et de crème que la mère Romain vient de nous apporter. Avons-nous de la liqueur dans nos armoires ?» s'écria Paul. « Pour boire à la santé de Léon, qui vient de se battre vaillamment avec moi contre 12 grands garçons, et de les mettre en fuite. « Pas possible !» dit Jean, surpris. « Je vois dans les yeux de Léon que c'est vrai !» dit Jacques. « Il a un air que je ne lui ai jamais vu, quelque chose qui ressemble à Paul. » « Léon, tu me fais trop d'honneur en trouvant cette ressemblance, mon petit Jacques. » « Sophie, mais qu'as-tu donc ? C'est drôle, tu es tout changé. » « Jean, c'est vrai, tu as un air décidé et modeste en même temps. » « Marguerite, et qui te va très bien. » « Léon, c'est ce qui fait probablement ma ressemblance avec Paul. » « Paul, vous avez raison, mes amis, Léon n'est plus le même. » Il vient de se battre avec un courage de lion contre une bande de 12 grands garçons pour défendre le pauvre Relmo, l'idiot. Léon, ajoute donc que tu étais avec moi. Sans toi, je crois en vérité que je n'y aurais pas été. Paul, et tu aurais bien fait. Seul contre 12, il n'y avait pas à essayer. Jean, mais qu'aurais-tu fait, toi, si tu avais été seul? Paul, j'aurais appelé mon père, que je savais près de là. Jean, et s'il n'était pas venu? Paul, avec feu. Mon père, ne pas venir à mon appel, tu ne le connais pas, va. Il accourait n'importe d'où à la voix de son fils. Mais écoutez que je vous raconte les exploits de Léon. Et Paul leur fit le récit de ce qui venait de se passer, vantant le courage de Léon, s'effaçant lui-même et peignant avec vivacité et indignation les souffrances du pauvre idiot. Que je suis donc malheureux de n'avoir pas été avec vous, dit Jean en frémissant de colère. Avec quel bonheur je vous aurais aidé à rosser ce méchant garçon. J'espère bien que mon oncle n'oubliera pas les visites qu'il a promises aux parents pour faire donner une bonne correction à ces mauvais garnements. Oh, papa ne l'oubliera pas, s'écria Jacques. Pauvre Relmo, nous irons le voir, n'est-ce pas, Paul ? Paul, demain, mon petit Jacques, nous irons tous. À présent, je rentre pour travailler avec mon père. Je vais t'accompagner, dit Marguerite. Et moi aussi, dit Jacques. Et lui prenant chacun une main, ils marchèrent vers la maison. « C'est toi qui as donné du courage à Léon, » lui dit Marguerite quand ils furent un peu loin. « Mais pas du tout, ma petite Marguerite, c'est lui tout seul qui s'en est donné. »« Bon, Paul, » reprit Marguerite en baisant la main qu'elle tenait dans les siennes. « Paul, plus je te connais et plus je t'aime, » dit Jacques en serrant son autre main. « Paul, il en est de même pour moi, mon petit Jacques. » Je t'aime comme un frère. Jacques, si nous pouvions toujours rester ensemble, comme je serais heureux. Paul, mais si nous nous quittons, nous nous retrouverons, toujours. Jacques, je n'aime pas à pleurer, Paul, et je ne pleure presque jamais. Mais quand je vous quitterai, toi et Marguerite, j'aurai un tel chagrin que je ne pourrai pas m'empêcher de pleurer. Je ne pourrai pas m'en empêcher, je le sens. Marguerite, ça ne sera pas pour longtemps, Jacques. Jacques, mais ce sera bientôt. Dans 8 jours, les vacances seront finies. Marguerite, mais toi qui n'es pas en pension, tu n'as pas besoin de t'en aller à la fin des vacances. Jacques, non, mais papa a des affaires. Il m'a dit qu'il ne pourrait pas rester. Je tâche d'avoir du courage, de n'y pas penser. Je fais tout ce que je peux, mais je ne peux pas. Et Paul sentit une grosse larme tomber sur sa main. Il s'arrêta, embrassant tendrement son petit ami. Marguerite aussi se jeta à son cou. « Ne pleure pas, Jacques. Oh, ne pleure pas, je t'en prie. Si tu as du chagrin, je ne serai plus heureuse. Je serai triste comme toi, et Paul sera triste aussi, et nous serons tous malheureux. Jacques, je t'en prie, ne pleure pas. » Le bon petit Jacques essuya ses pauvres yeux, tout prêts à verser de nouvelles larmes. Il voulut parler, mais il ne put pas. Il essaya de sourire, il les embrassa tous deux et leur promit d'être courageux et de ne penser qu'au retour. Ils se séparèrent, Paul pour travailler, Marguerite pour raconter à son papa le chagrin de Jacques et Jacques pour aller pleurer à l'aise sur l'épaule de son papa. « Mon pauvre petit, » lui dit M. de Trépy en l'embrassant, « je ne puis malheureusement empêcher ce chagrin pour toi. Je ne peux pas toujours rester chez ma sœur de Fleurville. » Et toi-même, tu ne voudrais pas te séparer de moi. Tâche, mon enfant, de supporter avec courage les peines que le bon Dieu t'envoie. Tu sais que la vie ne dure pas toujours. Les chagrins finissent comme les plaisirs. Tâche de vivre de manière à retrouver un jour, dans le ciel et pour toujours, les amis que tu as tant de peine à quitter pour quelques mois. Pleure, mon enfant, pleure, si tes larmes te font du bien, en attendant que tu prennes du courage. Jacques pleura quelque temps et finit par sécher ses larmes. Marguerite pleura un peu de son côté dans les bras de son père, dont les caresses et les baisers ne tardèrent pas à la consoler. Paul, habitué à se commander, fut pourtant triste et sombre tant que dura le chagrin de Marguerite. Son visage s'éclaircit au premier sourire de sa petite sœur, et il reprit son travail quand il la vit tout à fait calme et riante.